Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 29 mars. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Saguenay de Chicoutimi qui ont remporté une belle victoire hier de 6 à 2 contre le Titan de Caddy Batters. À noter que du côté des Saguenayens, c'est quand même une certaine surprise parce que plusieurs observateurs pensaient que la série serait très très courte. Donc dans le match, c'est les frères Climat qui ont bien fait. À noter que Kelly Climat a marqué 2 buts et a amassé une passe. Et Kevin Climat a également amassé 2 buts et une passe. Et les autres marqueurs ont été l'œuvre de Zachary Lavigne avec un but, une passe. Il y a Morgan Nas qui a marqué un but et trois passes dans la partie. Vladimir Kotkov, deux passes. Et Samuel Hood, deux passes. Les deux mêmes équipes vont se retrouver demain soir à Batters. Du côté des Saguenay, par contre, on a appris une mauvaise nouvelle. Kevin Climat s'est blessé au doigt. Il a reçu un coup de bâton. On ne connaît pas encore la gravité, mais ça pourrait par contre qu'il soit absent dans le cadre du cinquième match de la série. Du côté maintenant des Huskies de Rouyn-Noranda et le Phoenix de Sherbrooke hier, c'était également le quatrième match. On sait que Gilles Bouchard est natif de Normandin. Est actuellement en série et les Huskies ont perdu 4 à 2 hier contre le Phoenix de Sherbrooke. Puisqu'il est question de hockey sur la scène régionale, les élites de Jonquière hier ont perdu contre Lévis par la marque de 3 à 1. On parle évidemment de la Coupe Dodge. Ce match-là servait de qualification pour cette Coupe. Parlons maintenant du côté de football, il y a quand même on a appris une bonne nouvelle récemment, c'est que Grant Mugamba, un joueur qui s'est aligné avec les Faucons de Chibougamau, a décidé de porter les couleurs du rouge et or l'an prochain. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com, son premier entraîneur au football à Chibougamau, Serge Bouchard, a mentionné qu'ils ont travaillé très fort afin qu'ils se perfectionnent au niveau académique, parce qu'on sait qu'au Québec, le football et l'académie, ça va ensemble. Donc, on va écouter là-dessus Serge Bouchard. Travailler fort pour qu'il puisse en arriver là, c'est au niveau de sa motivation à l'école. Okay. Gloire, c'est un jeune, comme plusieurs garçons, là, qui avait de la difficulté à se motiver, avait un comportement des fois un peu, déviant là, au niveau scolaire. Il aimait mieux faire des blagues, perdre son temps et tout ça. Moi, le gros travail que j'ai eu à faire avec lui, c'est de lui faire comprendre que s'il voulait continuer à jouer au football, il fallait qu'il continue à travailler fort à l'école pour réussir ses matières académiques, pour modifier son comportement, parce que, en plus, nous, ça fait partie de notre programme des Faucons, là, et ça, c'était pas acquis. J'ai travaillé très, très fort. Gloire aussi a travaillé très, très fort. Il est même arrivé des matchs où il n'a pas pu jouer. Il était suspendu parce qu'il n'avait pas eu un bon comportement dans la semaine. Et à un moment donné, il a compris que ça pénalisait aussi tous ses coéquipiers. Il y a eu un gros travail de fait. Dans un deuxième temps, Serge Bouchard mentionne que Gloire peut jouer sur les unités spéciales. Ça. Oui, c'est quelqu'un qui, oui, il est capable de jouer sur une unité spéciale, puis c'est quelqu'un qui même, en tout cas avec nous, à un moment donné, je l'avais utilisé comme à la défensive, c'est quelqu'un qui frappait très fort, il est capable, là, faut qu'il donne attention aussi, il revient quand même d'une blessure, à un genou pour un okay. porteur de ballon, pour qu'il donne ce temps-là de revenir, mais je pense que il va faire sa place, mais tu sais, la compétition est très forte, là, universitaire, ça peut faire 2 ans que t'es là, puis il en arrive un jeune, une recrue qui est meilleur ou égal, souvent ils vont aller vers la recrue parce que, ainsi de suite, là, ça fait que c'est la compétition est vraiment à l'interne, ceux qui n'ont pas le choix de à chaque jour de travailler fort puis de vouloir s'améliorer, mais je suis pas inquiet pour Gloire, c'est quelqu'un qui va faire sa place au fil des années. Okay. Puis, déjà qu'il soit rendu là, c'est déjà un bel exploit, mais je sais qu'il va continuer à travailler. Et dans un dernier temps, Serge Bouchard a mentionné que son frère est probablement le joueur le plus talentueux au Québec actuellement, au football collégial. Et la semaine prochaine, il pourrait se tourner vers une équipe américaine. Et après ça, il est parti au séminaire Saint-François, comme je disais, et il a été très dominant. Là, c'est à mon avis, c'était le meilleur joueur au Québec cette année. Pour Kalenga, là, je serais pas surpris qu'il y ait des offres là, dans des high schools américains, et ainsi de suite. Là, il reste à Kalenga à choisir où il ira, mais Il y a un bel avenir devant lui là, à ce niveau-là aussi. On revient au hockey. L'Avalanche du Colorado hier a perdu par la marque de 2-1 contre les Flyers de Philadelphie. L'Avalanche qui a manqué une belle occasion, évidemment, on sait qu'ils sont en pleine lutte pour les séries éliminatoires. Samuel Girard de Robertval a joué 16 minutes 47 et a terminé le match à moins 1. Et je termine avec les entrevues hier dans la section entrevues de DanRadioSport.com. Vous pouvez écouter Frédéric Daigle de la presse canadienne qui nous parle évidemment qui fait le bilan des deux matchs entre les Blue Jays et les Cards de Saint-Louis. Gilles Péloquin nous fait un compte-rendu de ce qui s'est passé hier ou ce qui se passe actuellement dans la Ligue nord-américaine de hockey. Et vous pouvez également écouter Serge Bouchard, le premier entraîneur de Gloire Maganba, avec la formation des Faucons Barrette de Chibougamau. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.